La nuit nuit à la vision et par conséquent à toute évaluation de la vitesse, de la distance, etc. Plus encore que le jour, la vitesse est très difficile à évaluer la nuit. L'effet d'expansion, c'est-à-dire le grossissement des phares d'un véhicule arrivant en face, est peu perceptible. La notion de vitesse est donnée par la vision périphérique, mais la nuit, ce champ est limité à l'éclairement des feux de route ou de croisement. Donc la nuit, les contrastes disparaissent et on a une mauvaise appréciation des distances, des profondeurs et des mouvements. Réponse A et C.